8h-10h. Hubert. Sur Galaxy. On Galaxy. Sur Galaxy 95-30. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très musique soleil ce matin. Moi, ça m'a mis d'ailleurs un grand coup de fouet. Et pendant qu'on y est, j'en profite pour passer la frontière belge, car nous saluons évidemment tous nos amis belges, mais plus précisément les Moucronois qui sont, comme nous le savons, tous les jours très nombreux à nous écouter. Galaxy, c'est la musique du soleil ce matin, avec par exemple tout de suite Martin Solveig et Madame. Galaxy 95.3. So good. All I ever wanted, all I ever need, Thank you. Gazou et le remix 2007 de Situation. Encore un max de bon son sur Galaxy avec entre 9 et 10 Art Mason, le remix de Manu Reva, Richard Gray, Henrik B avec Sullivan et David Guetta, Love Is Gone, qui fait un énorme carton en ce moment. Et en attendant, c'est Jimmy Somerville qui n'a malheureusement pas grandi depuis. It's So Good, c'est une grosse surprise, c'est le nouveau single. 10h. Hubert. Sur Galaxy. On Galaxy. We'll be right back. trop chic sur Galaxy avec les plus belles plages de l'été. Certes, Mason signé par Tom Snares et Manureva 2007. Je vous rappelle d'ailleurs pour la petite histoire qu'il s'agit d'Alain Colaille, de son bateau qui s'appelait justement Manureva, qui ont disparu en pleine mer et qui n'ont jamais été retrouvés. La suite du son sur Galaxy, c'est Café Groove et le nouveau David Vendetta. Tell me why you wanna do me wrong. Un peu partout comme étant le tube de cet été 2007, ça fait déjà quelques semaines qu'on vous balance sur Galaxy, c'est bien sûr David Vendetta et Break for Love. David Vendetta qui était il y a seulement quelques jours dans notre belle région puisqu'il était de passage à Lille. Commercial free, this is Galaxy. We'll be right back. ça sent bon les vacances avec Jess Garcia sur Galaxy 95.30. Mais je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter sur www.galaxyfm.com. Au moins comme ça, l'avantage c'est que vous pourrez nous emporter absolument partout pendant les vacances. Et pour la suite du son, c'est Ten Rigby avec Sullivan et Booty Love. Tout ça c'est dans quelques petites secondes sur Galaxy. But I got to party. I'm up in the party. I'm glad that I got you. And it's alright. You got you a partner and cut a rug up tonight. Galaxy, la radio des meilleurs sons du soleil et des cadeaux aussi. D'ailleurs, restez bien calés sur 9530 ou www.galaxyfm.com. On aura l'occasion de vous balancer quelques cadeaux. Ce sera notamment des entrées gratos valables pour les super soirées qui auront lieu le week-end prochain. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Vous restez en tout cas bien calés. Ça aura lieu juste après Mantrix. Tenez, le voici. Music. Music remains on top. Supposed to do after all that we've been through when it- Attention, voici venu le moment de jouer. Galaxy. 03 20 83 57 57. Nous vous offrons tout de suite des entrées gratos valables pour les soirées du week-end prochain. Si tu veux gagner ton entrée, alors fais vite car nous jouons avec le 15e appel au standard. 03 20 83 57 57. Et en attendant, côté son, c'est Samuel L qui débarque sur Galaxy. Vous l'avez découvert il y a seulement quelques semaines. Ça s'appelle Can You Relate. 8h10h. Sur Galaxy. 95.3. Galaxy. What happened to the music? What happened to the music? What happened to the tech? Ça déménage, ça débloque, ça débloque. ça rend fou. C'était Hubert et Electrochic depuis 8h ce matin. J'espère que vous êtes éclatés comme des fous durant ces 120 minutes. Si vous partez en vacances ces jours-ci, amusez-vous, éclatez-vous, faites la fête et soyez bien sûr prudents sur les routes. N'oubliez pas que Galaxy, c'est aussi sur le net. Donc si c'est possible, n'oubliez pas de nous emporter avec vous. Vous tapez www.galaxyfm.com et pour ceux qui bossent encore, alors dans ce cas-là, bon courage. Sound System, c'est dans quelques instants et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Poupée Galaxy 95.3. We gave you a house.